Bonjour, aujourd'hui je vous parle d'orgueil et d'humilité. Le Père Gabriel de Sainte-Marie, dans son livre « Intimité divine » a écrit « Toute la vie de l'homme est un chemin de retour vers Dieu. L'homme vient de Dieu et doit retourner à lui. Plus ce retour sera total jusqu'à parvenir à l'union intime avec lui, mieux il aura atteint la fin pour laquelle il a été créé. Saint Thomas enseigne qu'un être est parfait quand il a atteint sa fin. La perfection de l'homme consiste donc à rejoindre Dieu et s'unir à celui qui est sa fin ultime. L'homme trouvera alors tout ce qu'il peut désirer, la paix, l'apaisement de sa faim et de sa soif d'amour, ainsi que sa félicité éternelle. Le seul obstacle à cet heureux déroulement, c'est l'orgueil. Le dictionnaire définit l'orgueilleux de la façon suivante. Se dit d'une personne qui est inspirée par l'orgueil. Synonyme, arrogant, dédaigneux, important, hautain, infatué, méprisant, présomptueux, prétentieux, vaniteux, fier, insolent, fanfaron, supérieur, impertinent et blessant. Beau caractère, n'est-ce pas? Ces attitudes de cœur consistent une citadelle contre Dieu. Cette révolte intérieure à l'idée de Dieu doit être brisée et mise en morceaux et jetée par terre. Le brisement de la volonté rebelle est le but même de notre passage sur la terre. Et pour y arriver, l'humain doit passer par de nombreux points de brisement. C'est pourquoi, pour certains, la vie n'est qu'une longue perte. À force d'échecs, l'humain s'écroule et fond en larmes. Alors la grâce divine peut descendre d'en haut, le recouvrir et l'envelopper. L'âme est purifiée et entre alors dans l'humilité. Elle est prête maintenant à accepter son Sauveur. La Bible dit « Voici, mes souffrances même sont devenues mon salut ». Quelquefois, ce sera la maladie qui déracinera l'orgueil en nous et nous donnera cette humilité qui plantera en nous le germe de la foi. Le cœur devient humble uniquement par voie de brisement, de contrariété, de déception et d'humiliation. Toutes nos larmes sont accompagnées d'Esprit Saint et de sa présence consolante, le saviez-vous? Les larmes pavent le chemin de Dieu vers nous. L'humilité donne la foi. Toutes nos épreuves et contrariétés jusqu'à ce jour ont concouru à vous amener jusqu'ici, à vous placer devant cette radio, à vous placer sur le chemin du salut. En l'Évangile selon Matthieu, il est écrit « Les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit-enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Le père Jean-Nicolas Groulx a écrit « Un chrétien est une personne dont le Christ a épousé l'âme. » Saint Gabriel d'Adolorata a dit « Plus une âme s'approche de Dieu, plus elle s'approche de la source du vrai bonheur et plus elle goûte la joie véritable. » Si vous avez été touché par ce message et que vous voulez ce que nous avons, je vous invite à fermer les yeux et à prier avec moi. Mon Dieu, je comprends enfin pourquoi la vie m'a battu comme une tempête. Mon orgueil faisait obstacle à l'humilité qui donne la foi et qui sauve. Je suis prêt aujourd'hui. J'accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur et Maître. Je me ferai désormais humble comme un petit enfant, afin qu'un jour j'entre dans ton royaume. Amen. À ceux qui voudraient se procurer mon livre, comprendre la souffrance et découvrir le sens de la vie, veuillez vous rendre sur mon site cequelabibleenseigne.net et vous pourrez vous le procurer. Ce livre explique en détail la démarche de Dieu et notre but sur la terre. Je vous encourage à vous procurer une Bible et à retourner à l'Église. Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr. Alors je vous dis à la prochaine, gardez la foi et la foi vous gardera.